FrenchPod.com. Je vous cherchais, monsieur le contrôleur. Vous m'avez l'air perturbé. Que se passe-t-il? Vous ne me croirez jamais. Je me suis trompé de train. Comment ça? Vous n'allez pas à Strasbourg? Bien sûr que non. Je devrais être dans le TGV pour Nantes. Ma pauvre dame, non seulement vous êtes dans le mauvais train, mais en plus, ce train va dans la direction opposée. Je vous conseille de descendre à la prochaine gare. Et de reprendre un train pour Paris, et ensuite un autre pour Nantes. Mais je n'arriverai jamais à temps pour mon rendez-vous. J'en suis navré, madame. Malheureusement, c'est la seule solution. C'est une catastrophe. Et ben voilà, c'est la vie.